Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 58. Au passage ici, dans notre assemblée, souvent le terme, parfois on parle de prédication dans certaines assemblées, parfois on parle d'homélie à l'église catholique, mais ici on utilise le mot partage. Moi, c'est la première fois que j'entends ce mot pour, parfois c'est un message, une chose comme ça. Mais moi, j'aime bien partage parce que c'est pas un enseignement. Autant, c'est plutôt une méditation tous ensemble autour d'un texte. Moi, j'aime bien cette notion de partage, pas cette notion de message, d'enseignement. Ce n'est pas un enseignement. D'ailleurs, il y a, je ne sais pas si vous connaissez Glenn ou Sandy, il y a Denise qui est enseignante, et Glenn qui est universitaire, qui est théologien, franchement, enseigné. Bref, psaume 58. Est-ce qu'il y a un volontaire pour nous lire le psaume 58? Oui, vas-y. Du répertoire du chef de chorale a chanté sur l'air de « Ne laisse pas détruire », poème appartenant au recueil de David. Peut-on se fier à vous, puissance du ciel, quand vous proclamez le droit? Êtes-vous juste quand vous jugez les humains? Non, c'est volontairement que vous pratiquez l'injustice sur terre et que vous ouvrez la porte aux violences. Les méchants sont rebelles dès leur naissance. À peine nés, ils se mettent hors du bon chemin. Ils profèrent des calomnies. Ils ont un venin comme la vipère. Ils font la sourde oreille comme un serpent qui n'écoute pas la musique des charmeurs, même du plus expert d'entre eux. Ô Dieu, casse-leur les dents, brise leur croc de lion, Seigneur. Qu'ils disparaissent comme l'eau qui s'écoule, qu'ils se flétrissent comme l'herbe piétinée. Qu'ils aient le sort de la limace, qui se dessèche à mesure qu'elle avance, comme l'enfant mort-né qu'il ne voit pas le jour. Avant que leur chardon soit monté en buisson, un tourbillon les emportera, encore verts ou déjà brûlés, peu importe. Le fidèle se réjouira de voir la revanche de Dieu sur les méchants et de patauger dans leur sang. Et tout le monde dira, oui, les fidèles auront leur récompense. Oui, sur la terre, il y a un Dieu qui juge. Merci, Daniel. Voilà un psaume. Voilà un psaume très pacifique. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi quand la première fois que j'ai lu ce psaume-là. Ça prend aux tripes quand même. Hein. On sent qu'il est quand même un peu fâché, un tout petit peu quand même. Et ça m'a fait sourire parce que l'un des premiers messages, c'était son amour et notre... Bon, c'est vrai que là, David ne prêche pas particulièrement pour l'amour de Dieu. Et ce qu'il souhaite à ses ennemis, c'est pas trop des fleurs, mais quand même, le message est assez violent. Casser des dents, briser, détruire, carboniser. Le discours est assez violent. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent ce psaume-là? On a déjà lu ce psaume, même en passant comme ça. Est-ce que certains ont déjà été interpellés par ce psaume? Non? Oui. Un peu déstabilisé. Bon. Il y a une chose que j'ai apprise. Alors oui, je ferme mon pédant. Dans les psaumes, il y a ce qu'on appelle une souscription. C'est la petite phrase en tout début, là. Oui, moi, j'ai bien appris mes leçons auprès de Glenn pendant tous ces partages. La souscription, c'est la petite phrase qu'il y a tout en haut, au tout début. De David, sur l'air. Hein, c'est ça, c'est la souscription du psaume. Ce qui est intéressant, c'est que ce psaume-là a une souscription particulière. Il y a un petit truc qui est écrit en haut. De David, quelqu'un peut me lire ce qui est écrit juste au tout début du psaume? Moi, j'ai au chef de cœur, ne détruis pas. Oui, hymne de David. D'autres versions disent au chef de cœur, sur l'air, ne détruis pas. C'est-à-dire, David a donné le texte, a donné le poème, et on a donné comme consigne au chef de cœur, on dit, pour chanter ce psaume-là, voilà, c'est sur l'air, ne détruis pas. OK? Moi, j'ai quelques questions. Souvent, quand je me pose parfois des questions, parce que parfois, il y a des choses qui sont déstabilisantes. Dans ce psaume, par exemple, On l'a lu, il est assez violent. Premièrement, le psaume commence par « ne détruis pas ». Et quand on rentre dans le texte, ben écoute, on a « casse-leur les dents, casse-les en deux, brise-les, qu'ils soient... » C'est déstabilisant, là. Comment est-ce que sur l'air, « ne détruit pas », c'est un peu comme si quelqu'un dansait du casse-noisette sur l'air de Wagner. Vous voyez un peu Wagner? C'est un compositeur allemand, c'est la musique, une musique assez violente, assez... Et Casse-Noisette, c'est un peu l'opéra avec des petits tutus qui volent un peu. Ça n'a rien à voir. D'un côté, on a une marche militaire et puis de l'autre côté, on a une petite femme qui danse. Ça ne fit pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Deuxième question, c'est... OK, David a l'air vraiment fâché, là. de qui il parlait. Alors, dans certaines versions, on parle de puissance du ciel. Dans d'autres versions, il s'adresse au Dieu, au pluriel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Dieu, aux puissances du ciel, il s'adresse aux magistrats, aux gens qui étaient au pouvoir, aux gens qui avaient la puissance législative, la puissance... Voilà, c'est à eux qu'il s'adressait, aux juges. Dans l'autre version, on dit aux juges. C'est à eux qu'il s'adresse. Mais pourquoi est-ce que David a autant la hargne, autant la colère contre ces juges-là? Deuxièmement, dans quelles circonstances ce psaume a été écrit? Pourquoi est-ce que... Alors, il y a deux écoles. Il y a une partie des théologiens disent que ce psaume a été écrit suite à la fuite devant Absalom. Absalom, c'était le fils de David qui avait trahi son père, qui a fait un coup d'État. Il l'a chassé du pouvoir. Il a même couché avec certaines de ses femmes, certaines des femmes de David. Ça, c'est l'outrage suprême. Et finalement, David est revenu, a pu récupérer son trône. Absalom, ben, il a pris la fuite et puis il est mort, etc. On lui a coupé la tête. Bref, c'est une histoire tragique. Et certains théologiens disent que c'est dans cette histoire-là qu'il a écrit ce psaume. D'autres théologiens disent non, pas du tout. C'était quand Saül le persécutait. C'est un moment, Saül, c'était le roi. David, c'était un jeune général de l'armée qui montait en puissance. Saül est devenu jaloux. Il a voulu trucider David. David a fui. Saül l'a poursuivi. Bon, bref. Donc, c'est dans cette phrase-là qu'il a écrite. Donc, il y a deux écoles, le contexte. On va y revenir. Troisièmement, il y a des versets dans ce psaume-là qui sont totalement obscurs. En passant, on les a lus, mais je ne sais pas si vous avez fait attention. Je vous le relis dans la version Louis II. Le verset 9, ils disent qu'ils périssent en se fondant comme le limaçon, comme la limace. Qu'ils périssent en se fondant comme la limace, sans voir le soleil, comme l'avortement d'une femme. Okay. Le verset 10 qui dit « Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, les tourbillons l'emportera. » Sincèrement, vous comprenez quelque chose là? Non, je vous pose la question. Le verset 10, est-ce qu'il est compréhensible? Quand on dit « Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon les emportera. » On dirait du Nostradamus. Moi, sincèrement, quand j'ai lu ça, je dis « Wow !» Il dit « Il y a quelque chose qui... » Les mots sont du français, mais la phrase là n'a pas beaucoup de sens. Et donc, on a regardé plusieurs versions. Mais en fait, le problème, c'est que le texte hébreu initial était compliqué. Donc, ils ont vraiment eu du mal à traduire. Certains ont traduit comme ils pouvaient, ou certains ont interprété, comme dans cette version, où ils ont essayé de rendre le sens plutôt que de traduire. Jusque-là, ça va? Je ne vous ai pas encore perdu? Donc, juste pour poser un peu le contexte global du psaume 58. Le contexte. Alors... Donc, juste une question. Les questions que j'ai posées, je vais essayer peut-être de donner un bout de réponse en cours. Le contexte. Donc, voilà un psaume qui est assez violent. Tellement violent que certaines personnes, certaines associations, ont essayé de faire une relecture de ce psaume. Une relecture qu'ils ont appelée lecture évangélique. Je ne sais pas si ça vous intéresse, peut-être que je vous enverrai le lien, mais où on a essayé d'atténuer un peu la violence du discours. Parce que certains ont considéré que le discours n'était pas très évangélique. Casse-leur les dents, c'était trop... Donc on a essayé de... Non, moi je pense que le texte en lui-même, tel qu'il est, il est intéressant. Pourvu qu'on comprenne le contexte, pourvu qu'on comprenne, on essaye de comprendre le fond de la pensée de David, je crois qu'il est assez intéressant. Le contexte. Donc je vous ai dit qu'il y avait deux écoles. Pour dire, quand est-ce qu'il l'a fait? Les uns disent que c'est Absalom. Les autres disent que c'était la faute à Saül s'il a écrit ce psaume. Bon. Moi, personnellement, pour ce que ça vaut, je pense plutôt que c'est plutôt par rapport à Saül qu'il a écrit ce psaume-là. C'est quand il fuyait Saül qu'il a écrit ce psaume. Pour deux raisons. La première raison, vous connaissez un peu l'histoire d'Absalom? Absalom de David. Absalom était un beau jeune homme, hein, avec de grands cheveux blonds. C'était un gars bien viril, les gens l'aimaient beaucoup. Et Absalom, en fait, complotait contre son père. Et certains ont dit à David, écoute, David, fais gaffe parce que ton fils, là, complote contre toi. Et Absalom était le fils préféré, le fils chouchou de David. Donc, David a dit, non, ne touchez pas Absalom. Jusqu'à ce qu'Absalom commette l'irréparable et David soit obligé de l'exiler. Plus tard, quelqu'un est venu négocier. Non, tu sais, il a changé, il est devenu maintenant, il s'est calmé, t'inquiète pas, il n'est plus aussi fougueux, il est calme, machin. Il dit, ok, c'est comme ça, reviens. Absalom est revenu. Étant revenu, Absalom a commencé à monter le peuple contre son père. Il allait à la porte de la ville, hein, dehors, et puis il accueillait tout le monde en disant, tu sais, t'as un problème toi ? Oui, j'ai un problème, mais tu sais, David se moque de toi, tu n'es qu'un paysan, lui c'est un roi. Écoute, mais si moi j'étais roi à sa place, si moi j'étais roi, non, des gens comme toi, ils ne seraient jamais à la rue. Moi roi, là, il n'y aurait aucun pauvre. Moi roi, vous aurez tous de l'argent. Moi roi. Donc en fait, il a monté l'opinion publique contre David. Et ça, c'était la phase numéro 1 de son programme. Phase numéro 2, eh ben, c'est de destituer David. Militairement, de le destituer parce qu'il avait le support d'un des généraux de l'armée. Donc, il a destitué David. David a fui avec sa cour. Absalom est venu dans le château. Il a pris le pouvoir. Et bon, il a fait n'importe quoi. Bref, David revient. Absalom fuit. Et les gens poursuivent Absalom. D'accord ? Bon, petite question. Pour ceux qui, dans les pays où il y a un roi, d'après vous, quelle est la punition pour avoir destitué le roi ? Bon. Pour avoir déjà insulté le roi, mais avoir fait un coup d'État, il n'y a même pas de jugement là. Un coup d'État, c'est un coup d'aise-majesté, il n'y a pas de. Et donc, David le savait. Quand il est revenu, quand son armée a poursuivi celle d'Absalom, David savait très bien que si les gens attrapent Salomon, ça va pas être beau. Malgré le fait que Absalom l'avait renversé, avait fait un coup d'État contre lui, malgré ça, il a dit à son général, écoute, s'il te plaît, si tu y vas doucement avec Absalom, ne lui fais pas de mal. Voilà. Bon, déjà, David savait que lui, c'est un général, c'est un militaire. Et un militaire à qui on a renversé le roi, non, il ne va pas faire des cadeaux aux rebelles. Mais tout ça pour vous dire que même à ce niveau-là, David défendait Absalom. Même là, David cherchait un moyen de sauver la vie d'Absalom. Donc, je vois mal David, dans ses psaumes, dire que Dieu casse lui les dents. C'était le bijou, le joyau de son père. C'était la prunelle de ses yeux. Il ne pouvait pas se donner des imprécations contre son propre fils. À ce point. Est-ce que vous suivez ? Donc, ça ne matche pas. La deuxième raison pour laquelle je dis que le contexte, c'est pas par rapport à Absalom, c'est que le psaume 58 est entre le psaume... Ouais, yes. Entre 58-59. Et le psaume 57, dans la souscription, dit, ben en fait, ça c'est par rapport à Saül, quand Saül l'a poursuivi dans la grotte. Et le psaume d'après, 59, dit, ça c'est par rapport à Saül, quand Saül a encerclé la maison de David pour le mettre à mort. Okay? Les deux psaumes qui encadrent le psaume 58 parlent de Saül. De Saül qui poursuit David. Donc, à mon avis, le psaume 58, il y a de très, très, très, très, très fortes chances que ça parle aussi de la fuite de David par rapport à devant Saül. Deuxièmement, il faut revenir un peu à l'origine, à l'histoire de David. David était un berger. On connaît toute l'histoire, Goliath. Hein, la fronde, Goliath, schlack, mort, paf, couper la tête, gna, hurrah, héros, puis voilà, et David, général. Boum. Bon, j'ai pris un raccourci, mais voilà, donc il a commencé par être petit guerrier par-ci, enfin, quand même, il lui a donné. Et il a remporté des victoires, victoire en victoire, de victoire en victoire. David était un héros national en Israël. C'était un héros national. Sa popularité était même plus grande que celle de Saül. D'ailleurs, c'est pour ça que Saül avait quand même envie de. Voilà. De s'en débarrasser. Il lui faisait de l'ombre. Premièrement. Deuxièmement, David a quand même risqué sa vie à de nombreuses reprises. Parce que quand on va en guerre, c'est clair que David était un meneur d'hommes. Ce n'était pas du genre à rester derrière et envoyer ses hommes combattre. C'est quelqu'un qui allait en ligne de front. Et c'est pourquoi les hommes le respectaient. Parce qu'il prenait autant de risques qu'eux. Sinon plus, il était à l'avant. C'était un meneur d'hommes. Ce n'est pas comme Saül, pas exactement, parce qu'à l'époque, Saül, lui, restait plutôt plutôt au château, et puis il laissait les gens aller combattre pour lui. David était quelqu'un qui allait au combat. Comment dire ? Qui allait au bac, c'est ça ? Voilà. Qui y allait ? Et c'est quelqu'un qui avait gagné le respect de la nation. Mais il risquait sa vie tous les jours. Et David, à l'époque, n'était pas quelqu'un qui s'était particulièrement enrichi. On ne parle pas des biens de David. D'ailleurs, il vivait au château. Il n'avait pas une propriété à lui. Son père, Jessé, avait des terres, avait des machins, mais il ne vivait pas chez son père. Il ne vivait pas chez lui. Donc, ça peut laisser à penser que personnellement, il n'avait pas, il s'était pas particulièrement à cette époque-là enrichi par rapport à ça. C'était un soldat et sa vie était consacrée à défendre son pays, consacrée à la grandeur d'Israël. Le jour où on lui a dit que le roi veut te donner sa fille en mariage, mais même ça, c'est pour un peu l'humilité qu'il avait à l'époque. Pour lui, c'était complètement, totalement fou. Il dit, mais c'est pas possible, c'est un trop grand honneur. Il faut comprendre que cet homme-là, après, a été chassé comme un chien par Saül, a été poursuivi dans les montagnes, il a erré, il est allé dans une grotte à Adoulam, il est resté là-bas pendant, je ne sais pas si vous voyez un peu l'Israël, là, dans le désert. C'est pas beaucoup d'eau, hein. Il n'y a pas non plus beaucoup de verdure, hein. C'est rocailleux, c'est des cailloux, c'est vraiment pas le fun. Et pendant tout ça, tout ce temps-là, le peuple à qui il a fait toutes ces choses-là, les gens de la haute bourgeoisie qui ont profité quand même de la sécurité relative du pays, qui ont profité de leur affaire, il n'y a aucun qui a ouvert la bouche pour dire Saül, peut-être qu'il n'a rien fait, peut-être que tu es un peu excessif, hein. Personne n'a parlé, personne n'a bronché. Et que ce soit du roi jusqu'au plus petit magistrat, personne n'a ouvert la bouche pour prendre sa défense. Bon, cela dit, à leur défense, s'ils avaient parlé, à mon avis, ça serait très très vite terminé pour eux. Mais bon. Mais là, David fuit hors de son pays, et tout ça. Pendant ce temps, les gens gardent le silence. Le peuple garde le silence. Les magistrats, ceux qui peuvent au moins dire, non mais le seul qui le soutenait, c'était Jonathan, le fils du roi. Voilà. Donc, vous voyez un peu le contexte. Ça, c'est le contexte dans lequel il écrit. David a la rage au cœur quand même. Quand il écrit ce psaume-là, c'est un psaume qui est assez... Il a la rage au cœur. Mais, ce qui est étrange, c'est qu'au tout début, la musique sur laquelle il dit, la musique, c'est « ne détruit pas ». Ça vient en totale contradiction du reste du psaume. Le reste du psaume est violent, et puis il dit sur la musique « ne détruit pas ». Ce qu'il faut savoir, c'est que David a rédigé les psaumes, mais les psaumes n'étaient pas mis en musique par David. Apparemment, une fois devenu roi, il n'y a plus trop le temps de jouer de la harpe, et donc c'était Asaph, chef des chœurs, ou quelqu'un d'autre qui avait la même charge, qui s'occupait de mettre en musique. Et donc David a amené les psaumes, disant « voilà mon texte, mets-le en musique ». Et on a choisi comme air, il y avait une musique à l'époque qu'on a perdue depuis le temps, qui s'appelait « Ne détruis pas ». Et David, ou Asaph, a choisi cette air-là pour dire « bon, ben voilà, prends cette air-là et puis lis ce psaume, récite ce psaume liturgique sur la musique « Ne détruis pas ». Bon, une question. Le titre, l'air, ne va pas avec le contenu du psaume. Qui l'a décidé ? Est-ce que c'est David ou est-ce que c'est Asaph ? Bon, j'entends d'autres dire « on s'en fout ». Non. Ça a sa petite importance. Parce que si c'est Asaph qui l'a écrit, qui a choisi la musique, ça n'a absolument aucun sens. On lui donne un texte, il regarde le texte, et puis lui-même, de son propre chef, choisit une musique qui n'a rien à voir avec le texte, ça ne va pas bien. Si c'est David, ça prend un autre sens. Parce que la souscription vient tempérer le texte. Dans le texte, c'est quand même assez violent. Il en veut quand même. Et entre nous, je pense qu'il en voulait un tout petit peu à Saül aussi, hein. Un tout petit peu quand même, un peu à Saül. Mais malgré tout, le désir de David n'est pas la destruction de ses ennemis. Même si le texte en lui-même, en soi, il est assez violent, ce n'est pas la fin finale. À la limite, c'est comme si après, à la fin, il s'est dit, « Ok, tout ça, d'accord, mais écoute, ne détruis pas. » D'accord ? Ce n'est pas la destruction de mes ennemis. Deuxièmement, juste ce fait-là, le fait de rajouter cette souscription, David était assez avant-gardiste il était très en avance sur son temps. La relation aujourd'hui qu'on a avec Dieu, c'est une relation filiale, père-fils. C'était pas cette relation que les Israélites à l'époque avaient avec Dieu. Ils avaient une relation filiale, mais en tant que peuple. Nous sommes les fils d'eux, peuple. Mais en tant qu'individu unique, non. Cette notion-là, David l'a développée beaucoup dans ses psaumes. Quand il parle de Dieu comme étant d'un père, c'était vraiment avant-gardiste. Et le fait de vouloir de réclamer une grâce pour les ennemis, de dire ne détruis pas, c'est très avant-gardiste par rapport à son temps. Est-ce que je vous ai toujours? Encore 10 minutes et puis on en aura fini. Maintenant, avant de voir la structure du texte, on va juste regarder quelques questions. Il y a un texte, verset 9. Quelqu'un peut me lire le verset 9? Denis, le verset 9? C'est pas dans la même version. Oui, oui. Mais comme une limace qui fond en avançant, tel l'abortant, ils ne verront plus le soleil. Et le 10? Avant que vos marmites soient au contact de l'épine, verte ou enflammée, Dieu emportera les méchants par la tempête. Yes. Alors, premièrement, la limace. L'image, en fait, qu'on a ici, quand il dit qu'ils partent en fondant. En fait, l'image, c'est quoi? C'est comme un glaçon. Si vous prenez un glaçon, vous le posez sur une plaque chaude. Et puis, vous le faites bouger. Il va tourner, il va bouger. Et en même temps qu'il tourne, ils font complètement. Donc, dans la vieille imagerie, dans les croyances populaires, dans les vieilles croyances populaires, on pensait que l'escargot, la limace, en fait, on pensait qu'elle allait en fondant parce que quand elle marche, la limace laisse une trace derrière elle. Et on pensait que c'était le corps de la limace qui se fondait en partant. Donc après, finalement, elle allait mourir parce qu'il n'y avait plus rien du tout. Donc c'était pour ça cette image-là qu'on dit qu'ils partent en fondant comme la limace. On sait que la limace ne se fond pas. C'est une sécrétion de son corps, une sécrétion normale. Le deuxième verset qui parle de chaudière, ça c'est assez compliqué parce que beaucoup, les traducteurs n'ont pas pu traduire ce verset-là. Parce que c'est vraiment compliqué. Premièrement, il faut savoir une chose. Moi, il m'a tout de suite parlé. Parce que dans le pays de mon père, au Niger, il n'y a pas beaucoup de bois. C'est désert, c'est le désert, hein, c'est le Sahara. Et à cause de la désertification, on n'a plus beaucoup de bois. Il faut le bois de chauffe, il faut le chercher très, très, très, très loin. Et plus les années avancent, plus on va chercher encore plus loin. Et donc, tout ce qui reste, en fait, quand on va au Niger, c'est très beau, c'est très beau. Si on aime le désert, mais c'est très, très beau. Les rares végétations qui sont là, c'est des buissons épineux. Les seules plantes qui résistent vraiment au désert, c'est les plantes, c'est les épineux, les acacias, et puis les buissons d'épines. Parce que les plantes gardent leur eau dans les épines. Et les animaux ne peuvent pas les manger à cause justement des épines. Et donc dans beaucoup de régions au Niger, on utilise ces buissons-là comme combustible. Parce que ça brûle bien. Quand c'est bien sec, ça brûle très bien et puis bon, ça remplace le bois. Donc on utilise les épines comme combustible. Mais pour ça, il faut que ce soit sec. Parce que quand c'est vert, ça ne brûle pas. Deuxièmement, ceux qui les utilisent, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Parce que quelqu'un qui a de l'argent va s'embêter à prendre des épines et brûler, il va aller acheter du bois. Même si le bois est cher, il achètera du bois. Donc ceux qui utilisent les épines pour faire leur petit feu, là, c'est les plus démunis. Donc c'est ça que ça. Bon, en tout cas, au Niger, on utilise ça comme ça. Mais il faut que les épines soient vertes. Ce verset est traduit par certaines versions. Avant que vos chaudières aient senti le feu des épines, l'ardeur de la colère semblable à un tourbillon enlèvera chacun d'eux. Donc c'est assez obscur. L'idée générale qui est traduite, c'est non seulement qu'ils soient réduits à faire cuire leur nourriture avec des épines, donc qu'ils soient vraiment dans la disette, mais deuxièmement, en plus que ces épines-là ne soient même pas sèches, qu'elles soient vertes. Comme ça, même leur aliment ne pourra même pas, même le peu qu'ils auront, ne puisse pas cuire et qu'ils ne puissent pas avoir à manger. C'est un peu le sens général de ce verset-là. Je vais vous passer la structure du psaume. Vous ne retiendrez pas ça. Donc, je passerai l'étude de la structure du psaume. Je vais juste aller à la conclusion. Et on terminera là. On n'a pas été habitué souvent à ce genre de psaume. C'est l'un des premiers psaumes qu'on rencontre qui a une telle violence dedans. Mais d'où elle vient cette violence-là? Elle vient du fait que David est révolté. Il est profondément... David ne cherche pas la vengeance. Ce n'est pas une vengeance par rapport à quelque chose qu'il a... Même s'il a subi, ce qu'il réclame, ce n'est pas par rapport à quelque chose qu'il a subi. David est révolté parce que la justice est bafouée. Les gens qui sont les dépositaires de l'autorité font n'importe quoi et ils ne sont redevables à personne. Et ça... En tant qu'exilé, il ne le supporte pas. Les dépositaires de l'autorité restent silencieux. Un jour, Denise disait, douter de notre capacité, notre en tant que Québécois, à se révolter. C'est le mot révolter, c'est révolter que tu as utilisé, c'est je ne sais pas, c'est le mot exact, mais à s'indigner. Voilà, exactement. C'est ça. Notre capacité à s'indigner s'est émoussée. L'idée, c'était ça. Et je pense que c'est vrai. Parce que moi, je suis arrivé il y a 2 ans. Et il y a des choses que j'ai... Quand je suis arrivé, moi, c'est pas parce que... Il y a des choses qui m'ont choqué. Mais parce que je suis nouvel arrivant. Parce qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, quand je regarde, ça me choque beaucoup moins que quand j'étais arrivé. Parce que je me suis habitué. Parce que c'est comme ça. On n'y peut rien. Donc, on peut rien y faire. Les gens qui sont révoltés dans leur cœur ne font jamais long feu. C'est très difficile d'être révolté parce qu'on ne peut pas vivre tranquille. Quand on est révolté dans le cœur contre une injustice, on ne peut pas vivre paisiblement en ne faisant rien. La révolte emmène toujours une action. Ou alors, elle détruit celui qui la porte. Il n'y a pas deux demi-mesures. Quelqu'un qui est révolté, souvent, il y a des gens qui l'expriment en musique. Tellement violemment qu'il y a des jeunes, beaucoup de rockers, qui sont suicidés. Parce qu'il y avait tellement de rage en eux, ils ne savaient pas comment l'exprimer, ils ont fini par prendre leur vie. Et ici, au Québec, on s'habitue à supporter certaines choses parce qu'on se dit, si on chouine tout le temps à cause de ça, on n'a pas fini. Donc, bon, écoute, on laisse aller et puis on laisse faire. Actuellement, le contexte est particulier. Il y a les élections qui se préparent. Il y a divers partis. Vous les connaissez tous les dirigeants de partis. Il y a un débat ce soir, je crois, à la télévision. C'est bientôt les élections. Le contexte, je pense, je n'ai pas vécu les autres élections provinciales. J'ai vécu une élection fédérale. Je n'ai pas vécu les autres élections provinciales. Mais ce que j'ai vécu, c'était les grèves des étudiants. C'était un ras-le-bol général. Un début de printemps québécois, comme on l'appelait, le printemps érable. Un début de printemps, je ne sais pas ce que ça a donné, mais bon... Non, c'est l'automne déjà. Peut-être l'année prochaine, ça va reprendre. Mais une donne a changé. C'est-à-dire que les gens commençaient à exprimer leur ras-le-bol. Il y en a un ras-le-bol et on l'exprime. Le projet de société qu'on nous propose, ça, on ne veut pas. On choisit autre chose et on choisit de l'exprimer. La question maintenant qu'on doit se poser, c'est est-ce que pour nous, il n'est pas temps de récupérer aussi, de prendre et de se révolter, de s'indigner? Pas de réclamer que les dents cassent, que les dents volent dans tous les sens. Gardons bien à l'esprit que David, à la souscription, il dit bien, finalement, ce n'est pas la destruction que je veux. Ce que j'aimerais, c'est qu'il revienne aussi dans le droit chemin. Donc, j'aimerais juste vous laisser cette interrogation-là. C'est est-ce qu'on peut récupérer ça? Est-ce qu'on peut prendre... Moi, personnellement, je ne peux pas voter. C'est bien dommage. Peut-être dans 3 ans, 4 ans, j'en sais rien. Mais... c'est une opportunité que moi, je n'aurais pas perdue, que je n'aurais pas ratée. Récemment, pour terminer très rapidement, récemment, en France, on a eu une élection présidentielle. Il y a 5 ans, on a élu un président, Nicolas Sarkozy, qui était un président frais, qui était un président jeune, qui avait envie de changer les choses, et beaucoup ont cru en lui. Personnellement, je n'ai pas voté pour lui, mais bon, ça n'a rien changé. Il a été élu. Ce monsieur, la première des choses qu'il a faites, parce qu'il a été élu, il dit c'est trop. Il y a de la richesse en France, il faut que tout le monde profite. Quand je serai élu, vous allez voir, tout le monde profitera. Bon, vous connaissez tous comment sont souvent les politiciens. Il a été élu, la première des choses qu'il a faites, c'est d'aller dans le restaurant le plus cher de France et d'emmener ses amis, des machins, fêter ça là-dedans. Et une fois qu'il a fini, il est allé en vacances tout de suite après sur le yacht du premier businessman de France. En tant que président, c'est quelque chose qui n'a pas à se faire. Quand on est président de la République, on ne peut pas aller sur un yacht privé de quelqu'un qui éventuellement va avoir des contrats avec l'État. Il y a un gros conflit d'intérêts. Hein? Il y a un énorme conflit d'intérêts. Et ensuite, il a augmenté, il a multiplié, il a augmenté de 180% son salaire. Parce qu'il estimait qu'en tant que président, ça n'a pas de bon sens, ce salaire-là. Hop! On a explosé. Voilà. Et puis, ça a continué pendant 4 ans. Mais 4 ans plus tard, c'est l'un des rares présidents de la Ve République à avoir fait un seul mandat. Un seul. À la porte. Parce qu'à un moment, il y avait ras-le-bol. Beaucoup de gens ne votaient pas. Beaucoup de jeunes ne votaient pas. Beaucoup de plus pauvres ne votaient pas. Parce que pour eux, ils disaient que ça ne change rien. Mais ils sont allés, ils ont quand même voté. Ça a fait un changement. Donc, je ne suis pas en train de dire voter pour quelqu'un, voter pour qui, voter pour quoi. Non, simplement que... On ne doit pas perdre l'occasion de s'indigner et de changer les choses quand on peut le faire. Ça prend un certain courage parce que garder l'indignation en soi est un fardeau que souvent on ne veut pas garder. Parce qu'on se dit, ça va me pourrir la vie, je préfère laisser tomber ou je ne regarde plus ou je fais comme si ce n'était pas là. L'opportunité maintenant nous est donnée à tous et dans l'Église et hors de l'Église de faire la différence. Voilà. Donc, ça se termine là. Je vous souhaite un bon dimanche. Thank you. Merci.